crois pas. Moi, je n'y comprends rien du tout. Mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis, nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus. Aujourd'hui, la ponctuation. Il y a des sujets comme ça, pas forcément brûlants et loin d'être inintéressants, mais des sujets qui nous empêchent presque de parler. Et cela non par pudeur, gêne ou malaise, mais parce que les évoquer oblige à réfléchir à ce qui relevait jusque-là du réflexe, à déconstruire ce que l'on croyait jusque-là naturel, spontané, normal. Paradoxalement, ces sujets concernent en général la parole. Pensez à ce que vous êtes en train de dire et vous perdrez immédiatement le fil de votre pensée. Parlez sans penser à ce que vous dites et vous serez précisément en train de dérouler votre pensée. La ponctuation fait partie de ces sujets. Nommez les virgules, virgules, les points, virgules, les points de suspension, virgule, d'interrogation ou d'exclamation, trois petits points, deux points, et vous aurez l'étrange sensation de perdre vos repères. N'y pensez plus et vous retrouverez votre rythme. Il y respirait un air de grandeur, virgule, une fermeté majestueuse, virgule, un sentiment profond par lequel l'âme la plus grossière devait être impressionnée. Impressionné. Point. Honoré de Balzac. Je vais vous l'écrire. Entrez. Je voudrais pas vous déranger. Ne dérangez pas. Achetez bien, c'est pas très normal de venir pendant les heures de classe, mais si ça vous embête, je vous en dis. Ça m'embête pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vous ai amené un petit gigot. Oh, c'est genre. Bouquet de gigot, c'est de l'agneau, regardez. Oh, il est beau. Très beau. Bonjour, Peter Zendy. Bonjour. Vous êtes professeur en littérature comparée et en humanité à l'université de Brown aux États-Unis. Vous êtes conseiller auprès de la Philharmonie de Paris et vous êtes l'invité idéal, je dois dire, non seulement parce qu'il est très tôt chez vous aux États-Unis et que je vous remercie d'être ici, de vous être levé pour nous, mais aussi parce que vous êtes l'auteur, et ça tombe bien, de ce livre à coup de poing, La ponctuation comme expérience. Ça tombe bien puisque, comme je l'ai dit, nous allons parler de ponctuation ce matin. Alors pour commencer, Peter Zendy, quelle est la définition de la ponctuation? Alors ça, j'aurais bien du mal à vous en donner une. Il y en a plusieurs. Sans doute, les signes de ponctuation ont plusieurs fonctions. Ils ont une fonction d'interruption, d'articulation grammaticale. Ils ont une fonction qui indique l'intonation, comme le point d'interrogation, par exemple. Et puis, on pourrait même dire qu'ils ont des fonctions plus larges. Si on prend la notion de ponctuation, non pas en la restreignant à un signe, comme le point ou la virgule, mais si on y inclut, comme le font beaucoup de gens qui s'intéressent à la ponctuation, le blanc entre les mots, qui est une fonction de séparation, mais aussi le saut de paragraphe, etc. Donc, moi, j'aurais bien du mal à vous donner une définition, c'est-à-dire j'aurais bien du mal à restreindre le domaine de la ponctuation, par exemple, au mot, à la phrase, je le vois qui s'étend dans tous les sens. Si je devais donner un synonyme, ça serait interruption et articulation, interruption et liaison, quelque chose comme ça. Quelle est la question philosophique soulevée par cet objet? Qu'est-ce que pose comme problème philosophique la ponctuation? Quand vous en avez traité dans votre livre, à coup de poing, la ponctuation comme expérience, qu'est-ce qu'il vous a semblé problématique dans le travail sur la ponctuation? Alors déjà, c'était un sujet dont les philosophes ont peu traité, mais quand même avec des exceptions non seulement notables, mais absolument passionnantes. Je pense à Nietzsche, qui à un moment parle de ponctuation dans sa correspondance au sujet de la musique. Je pense à Heidegger qui, tout d'un coup, au détour d'une méditation sur la poésie, se met à réfléchir sur ce que veut dire les deux points, sur ce que veut dire le point-virgule. Je pense aussi à un philosophe qui a été très important pour moi, Jacques Derrida, et qui, dans l'un de ses textes probablement les plus célèbres, La différence, prend la ponctuation comme exemple de ces signes, ou plutôt de ces signifiants, qui n'ont pas de signifié, dans le sens où, si vous prenez une virgule, par exemple, une virgule, ça ne veut pas dire quelque chose. Vous pouvez pas dire que la virgule renvoie à quelque chose de précis, une notion, une chose. Et donc, la virgule, ça serait quelque chose qui, dans le langage, est au fond un pur espacement qui est, et en même temps, c'est ce qui, alors c'est pas seulement un accident du langage qu'on va insérer dans le langage une fois qu'on l'écrit, mais c'est aussi, puisque c'est ce qui sépare les mots aussi, c'est aussi ce qui nous permet de penser au langage en tant qu'un ensemble d'unités séparées et distinctes. Donc la virgule est en quelque sorte avant le langage, et après le langage. Donc c'est cette position instable et en même temps absolument cruciale, essentielle des signes de ponctuation qui m'a intéressé. Donc tout le problème, si je vous suis bien, Peter Zandi, de la ponctuation, tout son problème philosophique, c'est que la ponctuation déborde largement le cadre du langage ou de l'écriture pour vraiment imprégner tout un ensemble de domaines en fait de l'existence, toute expérience, on pourrait dire, je reprends le terme du sous-titre de votre livre, mais qu'en même temps, cette expérience en fait de coupure, d'interruption, d'articulation, on ne peut pas la définir en tant que telle. En fait, le paradoxe, c'est de définir quelque chose qui ne renvoie à rien d'autre qu'à lui-même, mais qui en même temps n'existe que par rapport à d'autres moments pleins, on pourrait dire d'autres expériences qui sont pleines, ou par rapport à, par exemple, par rapport à des mots aussi. Oui, alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à me pencher sur la question de la ponctuation, la question philosophique, mais aussi historique de la ponctuation, je suis vite arrivé à la conclusion que je n'arriverais pas à restreindre, à contenir plutôt, plus exactement, le concept de ponctuation dans un domaine qui lui soit propre. Je veux dire par là tout simplement que la première réaction qu'on aurait, c'est de dire la ponctuation, c'est quelque chose qui appartient au texte écrit, son domaine propre, c'est le texte écrit, et du coup, c'est quelque chose qui appartient au domaine de la littérature, ou des essais, ou enfin bon, tout ce qui est écrit. Mais alors, si on commence à penser en ces termes-là, d'abord, on s'aperçoit très vite que on ne sait pas exactement où placer, où est-ce que la ponctuation serait chez elle, en quelque sorte, dans le domaine de l'écrit. Il y a des signes de ponctuation qui séparent deux mots, je l'ai dit, il y a des signes de ponctuation qui séparent deux phrases, il y a des signes de ponctuation, je sais pas, une astérisque qui sépare deux paragraphes, mais il y a aussi dans la poésie contemporaine, je pense à un poète américain comme Cummings, il utilise des signes de ponctuation à l'intérieur du mot, comme si lire la poésie, ça devenait du coup une séparation des lettres presque pour épeler le mot. Et puis, beaucoup d'auteurs qui se sont intéressés à la ponctuation ont aussi souligné le fait que la ponctuation introduit dans la langue écrite quelque chose qui est de l'ordre du signe graphique, de l'image, et donc là s'ouvre depuis le texte écrit, depuis le répertoire limité des signes typographiques, la possibilité, au fond, qu'il y ait dans la langue du dessin, alors ça peut être les émoticônes aujourd'hui, mais si on prend un roman comme celui de Lawrence Stern, Tristram Shandy, tout d'un coup, au milieu d'un chapitre, vous avez une page noire, vous avez un dessin, vous avez des traits. Donc, finalement, le domaine de la ponctuation qu'on croirait pouvoir circonscrire à celui de la phrase, mettons, eh bien, il va au-delà de la phrase, le paragraphe, il va en deçà du mot, on sépare des lettres, l'apostrophe, par exemple, mais aussi il sort de la langue écrite pour aller vers le graphisme, le dessin. La ponctuation introduit dans la langue écrite quelque chose qui est de l'ordre de l'accent, de l'intonation. Donc là, tout d'un coup, on va vers la voix, le chant, la musique. La ponctuation ne se laisse pas contenir. Je vous propose, Peter Zendi, d'entendre tout de suite un texte que je ne connaissais pas et peut-être que les auditeurs et auditrices ne connaissent pas. Ils ont de la chance, ils vont le découvrir. C'est un extrait du texte de Tchekhov, Le point d'exclamation, qui date de 1885. Pérecladine se mit à se remémorer la teneur de toutes les pièces qu'il avait rédigées durant ses 40 années de service. Mais il eut beau réfléchir et froncer les sourcils, dans tout son passé, il ne trouva pas le moindre point d'exclamation. « Ça, c'est formidable! J'ai écrit pendant 40 ans sans mettre un seul point d'exclamation. Où diable se met-il, ce grand sifflet ?» Il secoua la tête et ouvrit les yeux. « Nom de Dieu !» pensa-t-il. « Je dois me lever demain à l'aube pour aller à Matine. Et cette diable d'idée ne me sort pas de la tête. Bouh ! Mais quand est-ce qu'il faut en mettre ? Tu la vois à ton habitude, tu vois comme tu t'es fait la main. En 40 ans de service, pas un point d'exclamation. » Il se signa et ferma les yeux, mais les rouvrit aussitôt. Le grand point d'exclamation était toujours là, sur fond noir. « Bouh ! Je ne vais pas dormir de la nuit. Marfoucha !» dit-il à sa femme, qui se vantait souvent d'avoir achevé ses études à la pension. « Sais-tu, ma chérie, à quoi servent les points d'exclamation dans les pièces administratives ?»« Bien sûr que je le sais. Je ne suis pas resté 7 ans en pension pour rien. Je sais toute ma grammaire par cœur. Ce signe de ponctuation s'emploie dans les apostrophes et exclamations et pour exprimer l'enthousiasme, l'indignation, la joie, la colère et autres sentiments. « Bien !» songea Pérecladine. « L'enthousiasme, l'indignation, la joie, la colère et autres sentiments. » Le secrétaire de collège devint songeur. Durant 40 ans, il avait écrit des papiers. Il en avait écrit par milliers, par dizaines de milliers. Mais il ne se souvenait pas d'une seule ligne qui exprimât l'enthousiasme ou l'indignation ou quelque chose de ce genre. « Et autres sentiments, » songeait-il. « Mais est-il besoin de sentiments dans les pièces administratives ? Un être insensible peut parfaitement les rédiger. » Quel texte de Tchekhov, donc c'est un extrait du point d'exclamation, je dois dire admirablement interprété par François Raison que je remercie. Alors ce texte, on l'a entendu, il y a plein de choses à en dire et notamment sur cet usage en fait de la ponctuation où effectivement, comme vous l'avez dit Peter Zendi, c'est à la fois une interruption, un espacement, quelque chose, un signifiant sans signifier mais néanmoins auquel on peut attribuer une signification. Par exemple ici, le point d'exclamation, et c'est très clair quand on l'utilise dans une phrase, dans un texto notamment, signifie un affect en fait, ça permet d'exprimer un sentiment alors qu'une virgule, beaucoup moins on peut le dire. Oui, c'est vrai que c'est ce qui pose problème à Pérecladine, qui est le protagoniste de ce récit absolument incroyable, qui m'a, moi, complètement fasciné quand je l'ai découvert. Le point d'exclamation est l'expression d'un affect, et en tant que secrétaire, il n'a pas l'habitude, en fait, de manier des signes qui expriment tout simplement un affect. Je crois qu'il y a aussi peut-être quelque chose de plus difficile aussi pour lui, pour le pauvre Pérecladine, qui se met à halluciner, hein, comme on l'a entendu effectivement dans cette interprétation magnifique, il se met à halluciner le signe de ponctuation parce qu'il n'arrive pas au fond à l'inscrire quelque part dans le texte, et donc n'arrivant pas à l'écrire, à l'inscrire, ce signe le hante, il le voit partout, sa lampe a une forme de point d'exclamation, enfin tout ce qui l'entoure, il voit des points d'exclamation partout. Mais je crois que peut-être ce qui lui pose problème aussi, c'est que le même s'il exprime un affect, c'est un affect indéfini. Et je le sais par exemple moi dans mon expérience de lecteur, je suis sûr que beaucoup d'entre nous font cette expérience. J'annote un livre par exemple quand un passage me plaît, je mets un point d'exclamation dans la marge, des fois deux, des fois trois. Mais finalement, c'est pas forcément non plus une marque d'enthousiasme ou de bonheur à la lecture. Ça peut être un étonnement. C'est tout un nuage d'affects dont je saurais pas toujours dire exactement lequel il s'agit. Et puis des fois, tout simplement, c'est une marque, comme une marque rythmique presque, qui inscrit le fait que, tout simplement, je suis passé par là. J'ai lu ce paragraphe. Une sorte de balise, en fait. Exactement, exactement. Et donc, comme il y a tout ce flottement, comme on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, un point d'exclamation, je crois que Pérécladine, qui incarne la figure du secrétaire, c'est-à-dire celui qui a probablement un certain usage économique, je dirais, de la langue, chaque signe correspondant à quelque chose de précis, au fond, il est littéralement débordé par ce signe qui ne veut rien dire, et il le voit partout. Ça devient, c'est ça qui est fascinant aussi, ça devient une hallucination, une vision qui le hante, et qui le hante d'autant plus que le point d'exclamation pour lui, c'est ce qu'on pourrait appeler, en reprenant une expression de Lacan qui m'a aussi beaucoup intéressé, une ponctuation sans texte, c'est-à-dire littéralement le pauvre secrétaire n'arrive pas à mettre ce signe dans le texte, et n'arrivant pas à le mettre dans le texte, eh bien il se le retrouve partout dans la réalité. Donc d'une certaine manière, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture de ce texte. Déjà, d'une part, comme on l'a dit, cette idée quand même que la ponctuation est normée et qu'on a quand même intériorisé un certain nombre de normes quant à la ponctuation. Par exemple, on sait que le point d'exclamation, même si on ne peut pas lui donner un sens très défini, on sait quand même que c'est une exclamation, qu'un point d'interrogation est une interrogation. En revanche, on pourrait se poser des questions, on pourrait faire des distinctions quand même entre ces signes de ponctuation sur effectivement la définition de l'affect qu'ils expriment. Par exemple, on serait plus embêté avec une virgule, et encore, on peut utiliser plus souvent des virgules, mais par exemple, un point-virgule, ça c'est quand même un cas assez problématique. Est-ce qu'on utilise encore des points-virgules autrement que dans des textes administratifs? Justement, là, il y a très peu d'usage du point-virgule par texto. Est-ce qu'on doit le déplorer ou pas? Et puis, l'autre chose, c'est comment on peut articuler effectivement cette idée de ponctuation qui est normée, qu'on a intérieurement avec l'idée qu'on puisse quand même exprimer quelque chose de personnel à travers cette ponctuation. Entre l'indéfinition des signes de ponctuation et la précision de notre affect, est-ce qu'on peut articuler les deux, Peter Zandi? Alors, effectivement, il y a des signes de ponctuation. On pourrait distinguer deux grands groupes ou deux grandes fonctions des signes de ponctuation. Il y en a qui introduisent une pause, qui marquent une différence, une articulation, avec aussi une indication de durée variable. Ce serait ça, la distinction traditionnelle entre une virgule et un point, le point-virgule étant quelque part entre les deux. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on dit ça, ça se complique aussi très vite, parce que le deux points, qui serait une pause relativement, une pause moyenne, on va dire, un peu comme le point-virgule, le deux points introduit aussi une question logique, c'est-à-dire une question de conséquence entre ce qu'il y a avant. Il y a une forme d'annonce dans le deux points. Voilà, le deux points ouvre sur ce qui vient après, il promet ce qui vient après, ou il donne la parole à celui ou celle qui parle après. Et puis, bon, il y a l'autre groupe ou l'autre grand rôle des signes de ponctuation, qui est celui d'indiquer, disons, l'intonation et l'affect. Là, d'ailleurs, bon, c'est intéressant parce que dans l'histoire de la ponctuation, il y a beaucoup d'auteurs qui n'étaient pas forcément des théoriciens de la ponctuation ou des grammairiens, mais qui ont écrit sur la ponctuation comme Grimaret, qui était le premier biographe de Molière. Lui, il souhaitait qu'on ajoute, en fait, des points d'expression comme ça. Et il disait dans son traité de 1707 que ce serait bien d'avoir dans la langue des points de commandement, des points d'ironie, des points de mépris, des points d'emportement. Il parlait même de points d'amour et de haine. Et puis tout ça, en même temps, il faisait la liste des signes de ponctuation traditionnels qui existaient à son époque. Donc il y a aussi toute une variabilité du répertoire affectif, disons, des signes de ponctuation. Grimaret n'était pas le seul, hein, d'autres auteurs aussi. Rousseau, par exemple, souhaitait qu'on introduise des signes exprimant l'ironie, le vocatif, c'est-à-dire le fait qu'on appelle, qu'on s'adresse à quelqu'un, et puis la place aussi, ça c'est intéressant, la place des signes de ponctuation. Par exemple, Grimaret quand il parlait des signes d'intonation, disons, il disait que ça serait plus pratique de les mettre en début de phrase, comme ça se fait aujourd'hui en espagnol. C'est-à-dire qu'au moment où on va lire une phrase, au fond, on est déjà avant le point d'exclamation qui nous signale qu'il va falloir que la phrase s'oriente vers une exclamation finale, et ça aide à la lecture si on le sait dès le départ. Voilà. Donc il y a toute une économie variable historiquement et incroyablement passionnante et complexe de ces signes. Alors on a entendu l'exemple de Péricladine qui se perd finalement dans la ponctuation, dans une ponctuation comme le dit Lacan sans texte, et puis on a Aragon, le poète Aragon, qui lui ne veut pas se perdre dans la ponctuation. Je suis le sujet de questions touchant cette absence de ponctuation dans les vers. Pourquoi supprimez-vous la ponctuation et qu'est-ce qui vous le permet ? À la deuxième, je pourrais répondre tranquillement que je me permets tout. La ponctuation, et Dieu merci, au moins une chose au monde qui ne saurait être de commandement. D'abord, la ponctuation n'a pas toujours existé. Au Moyen-Âge français, on ne la trouve pas dans les vers. Et ni le latin, ni le grec, ni l'arabe ne la connaissent ou ne la connaissent que tardivement et partiellement. La ponctuation est apparue seulement la ponctuation, comme on dit, il met ou il ne met pas la ponctuation, est apparue seulement avec l'imprimerie, c'est-à-dire quand il s'est agi d'être lu par un grand nombre de lecteurs. Et elle est didactiquement employée pour ceux qui ne seraient pas capables de lire sans elle. C'était une archive du 17 janvier 1964, entretien avec Francis Crémieux, donc de Louis Aragon, qui revendique une forme d'imponctuation, même pas une forme, l'imponctuation, qui voit dans la ponctuation une forme finalement presque de tyrannie, d'enfermement, seulement de guide pour ceux qui ne savent pas lire. On retrouve quand même une sorte, on entend une forme quand même de snobisme à l'égard de ceux qui ne savent pas lire sans ponctuation. Et finalement, ce que dit Louis Aragon ici est opposé à ce qu'on a entendu dans la nouvelle de Tchekhov. Dans la nouvelle de Tchekhov, on avait un personnage qui finalement était perdu par ce qui était censé être des repères, à savoir des points d'exclamation ou des points. Et là, on a Aragon qui nous dit, au contraire, la ponctuation ne nous perd pas, elle nous embrouille et elle empêche une forme de compréhension intuitive du texte. Peter Zandi. Alors, c'est très, très émouvant hein, d'entendre Aragon parler de l'impunctuation, comme vous dites si bien. Au-delà de mon émotion, bon, il faut d'abord dire que ce que dit Aragon n'est pas juste, c'est-à-dire que la ponctuation n'est pas du tout une invention tardive qui arrive avec l'imprimerie pour aider le plus grand nombre de ceux qui sont, alors pas analphabètes mais incultes, à articuler les phrases qu'ils lisent. C'est absolument pas vrai. C'est vrai que dans l'Antiquité gréco-latine, il y a eu ce qu'on appelait la scriptio ou scriptura continua, c'est-à-dire une écriture dans laquelle les mots n'étaient pas séparés par des blancs. Et donc, c'est un exemple d'écriture, disons, non articulé, c'est ce qui rend d'ailleurs difficile de déchiffrer ces manuscrits, mais ça veut absolument pas dire qu'il n'y avait pas de signes de ponctuation avant. D'ailleurs, cette écriture sans séparation entre les mots est un phénomène relativement tardif, par exemple dans l'hébreu, dans les langues plus généralement dans lesquelles les voyelles n'étaient pas notées. Pour pas qu'il y ait un niveau d'ambiguïté inacceptable qui rende l'écriture indéchiffrable, on utilisait des signes de ponctuation. Ensuite, avec l'introduction des voyelles dans le grec et dans le latin, on a abandonné provisoirement ces séparations entre les mots, et puis c'est revenu un peu plus tard. Donc c'est faux. Et puis même, j'ajouterais que même à l'époque l'époque de ces manuscrits gréco-romains dans lesquels les mots n'étaient pas séparés, eh bien il y avait de la ponctuation, mais alors du coup c'était de la ponctuation après coup en quelque sorte. Donc il revenait au lecteur de préparer le texte pour être lu, et donc on lisait pas comme on lit aujourd'hui de manière fluide et continue et immédiate, c'est-à-dire la lecture n'était pas un acte improvisé, je dirais, entre soi et soi en face d'un texte, mais le lecteur préparait le texte. Ça s'appelait d'ailleurs d'un nom latin qui est praelectio, donc une sorte de prélecture, en introduisant des signes de coupure, toutes sortes de signes qui lui permettaient d'articuler le texte. Et alors ça, c'est intéressant aussi parce que on s'aperçoit que dans l'histoire très ancienne de la ponctuation, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je ne me lancerai pas à dire exactement quand les premiers signes de ponctuation sont apparus. Peut-être qu'ils sont apparus en même temps que l'écriture, ça je n'en sais rien. Mais par exemple, il y a un égyptologue belge du nom de Jean Vinan, que je cite plusieurs fois dans le livre, qui parle de l'apparition de la ponctuation à l'époque du Nouvel Empire en Égypte, c'est-à-dire vers moins 1500 avant notre ère, et il fait même l'hypothèse que les scribes ont introduit des signes de ponctuation à partir du réflexe de la comptabilité, on va dire, en faisant des lignes de compte et en marquant des lignes de compte. Toujours est-il que ces signes de ponctuation, un peu comme les signes de lecture dont je parlais, comme quand je suis en train de lire et puis tout d'un coup je mets un point d'exclamation dans la marge, un trait, une croix, quelque chose, c'est presque après l'écriture, quand l'écriture est lue, eh bien, on marque un rythme de lecture dedans. Voilà. Donc, le signe de ponctuation vient après ce qui est écrit et en marque la scansion, en quelque sorte. Si je vous suis bien, Peter Zendi, d'un côté, la ponctuation est presque coexiste avec l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture, malgré des formes, effectivement, d'écriture continue, il existe une forme de ponctuation, en fait, depuis le début de l'écriture. La ponctuation déborde largement le cadre de l'écriture, hein, donc c'est quand on parle, par exemple, les respirations. On va le découvrir aussi dans d'autres domaines, comme la musique, le cinéma, la psychanalyse et la parole du psychanalyste et de son patient. On voit bien donc que la ponctuation est déjà là depuis le début, et néanmoins, si je vous suis bien, Peter Zendi, on a l'impression que la ponctuation a beau être naturelle, elle est quand même normée, codifiée, d'accord, mais qu'elle vient toujours, en fait, après. Comme si, en fait, la ponctuation était à la fois naturelle, et en même temps elle venait après et devenait surponctuer quelque chose qui venait de se passer, et comme si elle était presque dérisoire, vous voyez ce que je veux dire, à la fois nécessaire et en même temps accessoire en plus. Oui, c'est une dimension, je crois, vraiment essentielle de la ponctuation. Quand on y réfléchit en prenant de la distance par rapport à son histoire immédiate, par rapport à nos usages dans lesquels nous sommes immergés aujourd'hui, si on fait un pas en arrière et puis on regarde un peu la question de la ponctuation de loin, ça, je crois que c'est essentiel, ce geste de ponctuer après coup et de surponctuer. Alors après coup, parce qu'au fond, la ponctuation vient marquer, disons, une sorte d'écho, une sorte de retour sur ce qui a été noté ou écrit. Ça peut être un retour presque immédiat, en quelque sorte. Je finis d'écrire la phrase, et puis je marque le fait qu'elle est complète, et marquant ce fait d'un point virgule, d'un point d'exclamation, comme Périclidine, eh bien, en quelque sorte, je reviens sur toute la phrase en arrière. C'est même en la marquant, c'est au moment où j'inscris cette marque ponctuante que la phrase devient une phrase et qu'elle m'apparaît comme une phrase. Donc il y a cette dimension d'après-coup. Et puis il y a aussi, ce qu'on pourrait décrire comme une surponctuation, c'est-à-dire qu'un signe de ponctuation, souvent on appelle un autre, Périclidine, encore une fois, est un bon exemple. Lui, il met trois points d'exclamation. Une fois qu'il en met un, il veut en mettre un deuxième et puis un troisième, parce qu'au fond, on est toujours tenté de marquer et d'en de faire remarquer. Trop. D'en faire trop, dans le sens où ce qu'on vient d'inscrire, on le marque pour... pour le remarquer, je dirais, sans vouloir jouer trop sur les mots, mais on vient de marquer quelque chose et on le remarque, on le regarde, et pour que ce qu'on vient de marquer nous apparaisse comme tel, il faut une marque supplémentaire. En même temps, c'est bien les textos, parce que ça réchauffe le cœur. Avec un petit texto, tu peux dire des belles choses à quelqu'un, tu peux aussi échanger, tu peux séduire, tu peux aller vers une fille beaucoup plus facilement que dans la vie, tu peux même installer de l'ambiguïté grâce à 3 points de suspension. Hein? Ouais, attends, l'équivalent de 3 points de suspension, c'est genre... Veux-tu boire un verre avec moi, 3 points de suspension? C'est comme si tu disais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, il y a un truc comme ça, un peu... Tu pourrais pas dans la vie parler comme tu parles par texto, c'est impossible. T'imagines, tu vas vers une nana, tu lui dis, tu veux boire un verre avec moi? Si on parlait dans la vie comme on parle par texto, comment on ferait les smileys? T'imagines la nana, elle te dit, ok, je veux bien aller boire un verre avec moi, tu lui fais quoi? Elle te dit non, tu fais quoi? Moins les signes de ponctuation, pris isolément, sont porteurs de signification ou d'expression, et plus ils constituent dans la langue le pôle opposé au nom, plus alors chacun d'entre eux gagne de façon décisive son rang physionomique, son expression singulière, qui n'est certes pas à dissocier de la fonction syntaxique, mais qui ne s'épuise en aucun cas en elle. Le point d'exclamation ne ressemble-t-il pas à l'index dressé d'un air menaçant? Les points d'interrogation ne sont-ils pas semblables à des feux clignotants ou à un œil qui s'ouvre? Les deux points ouvrent grand la bouche. Malheur à l'écrivain qui ne les nourrit pas de manière substantielle. Le point-virgule évoque visuellement une moustache tombante. Je goûte d'autant plus fortement son âpre saveur. Les points d'exclamation se lèchent les babines d'un air tout à la fois satisfait, bête et rusé. Ce sont tous des signaux de circulation. En fin de compte, ces derniers ont été créés à leur image. Les points d'exclamation sont rouges, les deux points verts, les tirets ordonnent l'arrêt. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre deux références que vous citez dans votre livre, Peter Zandi, votre livre à coups de poing, la ponctuation comme expérience. Alors on a tout d'abord entendu un extrait du spectacle de Gad Elmaleh, Papa est en haut, qui date de 2008, où il y a cette phrase qu'on a entendue et que vous citez, Peter Zandi, si on parlait dans la vie comme on parle par texto, comment on ferait les smileys? Et puis juste après, on a entendu, et oui, rien n'est impossible après Gad Elmaleh, on a entendu Théodore Adorno, signe de ponctuation, c'est un texte de 1956, interprété ici par François Raison. Ces deux références nous permettent de poser la question non seulement de ce que signifie la ponctuation, alors même qu'elle semble plutôt qualifier une expérience qui va avoir lieu ou qui vient de se produire, et est-ce qu'on n'a pas trop tendance à vouloir à tout prix leur donner une signification, notamment par exemple avec ces smileys, qui sont des sortes de prolongements quand même de signes de ponctuation, où on veut à tout prix non seulement tout dire, tout préciser à notre interlocuteur, comme si on avait peur de ne pas être compris, mais en plus on veut à tout prix que la ponctuation soit signifiante. Peter Zandi. Oui, alors c'est une belle trajectoire que vous avez tracée en juxtaposant Gad Elmaleh et Adorno et en nous conduisant, voilà, en nous interrogeant sur les smileys, les émoticônes. Il y a un autre humoriste d'ailleurs auquel je pensais, que je cite aussi dans le livre, qui est l'humoriste danois Victor Borge, qui aux États-Unis, où il avait émigré pour fuir le nazisme, il avait mis au point un sketch qui était un sketch sur la ponctuation et sur la prononciation des signes de ponctuation, des signes qu'on ne prononce jamais. Et donc lui, son pari et le ressort de l'humour de son sketch, c'était de donner voix en quelque sorte à ces signes de ponctuation. Alors les points de suspension, par exemple, devenaient une sorte de bruitage, comme on imaginerait dans un dessin animé. Donc une phrase qu'il prononce se termine par 3 points et vous entendez comme ça. Un point d'exclamation, c'est donc un trait. Alors on entend comme ça. Le point d'interrogation, c'est une spirale. Donc vous entendez une sorte de un trait plus long et plus compliqué. Voilà, donc tout un sketch comme ça qui est magnifique parce qu'il dicte des phrases, il se dicte des phrases et il les ponctue comme ça de bruit. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'au fond, on se rend compte que la ponctuation, dans son côté bruitiste, je dirais, bon, c'est un bruit silencieux, ou on pourrait dire presque un bruit blanc ou noir dans le langage écrit, mais dès qu'on essaye de lui donner une existence sonore, elle est plus de l'ordre de la consonne, je dirais, que de la voyelle. La voyelle, dans la langue, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la continuité de la voix, justement, comme son nom l'indique, alors que si on essaye, comme le faisait Victor Borger dans ce texte, de prononcer les signes de ponctuation, eh bien, on se retrouve avec des sonorités consonantiques, donc des P, des T, des occlusives, enfin des tout ce qui interrompt finalement la voix et qui en même temps ne dure pas par soi-même, contrairement aux voyelles. Mais probablement je dévie un peu par rapport. Non, mais ce qui me fait penser en fait en vous écoutant, Peter Zendy, finalement à la notation musicale, c'est-à-dire tous les points qu'on entend sur, qu'on peut lire sur des partitions, finalement ne sont pas que des consonnes, loin de là. Et on retrouve quand même cette idée de ponctuation sous la forme de notation dans la musique. On parle aussi d'ailleurs de phrases musicales, on parle aussi de respiration, il y a des articulations, des interruptions, jusqu'où on peut comparer la ponctuation de nos textos, de nos textes, de nos livres avec, par exemple, l'écoute d'une œuvre musicale. Oui, alors effectivement, l'histoire de la notation musicale est, du moins en Occident, est très liée de manière très intéressante à l'histoire de la ponctuation, c'est-à-dire la première notation musicale, ce qu'on appelle les neumes, qui étaient des traits avec différentes formes. Donc c'est pas des notes avec une tête noire ou blanche, mais c'était plus des signes comme des signes de mouvement mélodique. Tous ces signes-là sont dérivés de, enfin c'est en tout cas l'une des hypothèses, des signes de ponctuation qui existaient à l'époque. Et puis la ponctuation, enfin disons la notation musicale a aussi, comme Adorno le savait bien, lui qui a beaucoup écrit sur la musique, et comme il le dit bien dans ce texte qui a été lu à l'antenne, la notation musicale a toute une dimension graphique, c'est-à-dire c'est vraiment une image, et de ce point de vue-là, on pourrait penser qu'elle a un rapport avec cette dimension graphique qui tend toujours à envahir la langue et dont les émoticônes sont aussi l'expression. Les émoticônes, il y en a de toutes sortes. Hein. Gad Elmaleh en cite deux dans son sketch, qui sont le smiley et le frowny, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'émoticône du déplaisir. Mais après, il y a tout un répertoire d'émoticônes qui est infini et qui se complexifie. Il y a des émoticônes qui dépeignent des positions, surtout dans la tradition, disons, japonaise, par exemple, des émoticônes. On a des émoticônes qui, tout simplement, décrivent quelqu'un à genoux, quelqu'un dans une posture déférente, des émoticônes aussi qui décrivent des clins d'œil, etc. Alors, on pourrait penser que ça, c'est une prolifération récente, enfin c'est un phénomène récent, mais je crois que quand Adorno décrit par exemple les postures en quelque sorte du point d'exclamation, qu'il imagine que certains signes ont des moustaches, d'autres sont comme des feux verts, des feux rouges, il y a toute une gestuelle en fait qui est dans la inhérente à la ponctuation, et on pourrait dire que la ponctuation, les signes de ponctuation sont en quelque sorte des gestes dans la langue, et comme les gestes, finalement, ils n'ont pas un signifié précis. On ne peut pas dire que tel geste signifie telle chose, en général. Et voilà, donc la langue gesticule, on pourrait dire, avec les signes de ponctuation. Vous vous sentez encore responsable ? C'est moi qui l'ai embrassé. Et qui l'ai déshabillé. Oui, je vous entends bien. Il était très doux. Et ensuite ? Et ben ensuite, on est rentrés se coucher chacun dans sa chambre en faisant bien attention de pas faire de bruit. Pourquoi ? Ben parce que j'avais mon père qui dormait dans sa chambre bien tranquillement. Tranquillement ? Oui, monsieur. Il y a une ironie là, non ? Je sais pas. Enfin, il dormait. C'est quand même incongru quand on y pense. Qu'il dorme au lieu de veiller sur vous ? Mais il était pas en état. C'est surtout lui qui avait besoin qu'on veille sur lui. Pourtant, on dit souvent que la mission d'un père, c'est de protéger son enfant. Mais là, il pouvait pas me protéger, puisqu'il savait pas. Vous avez très envie de lui trouver des excuses, je comprends très bien ça, mais c'est peut-être pas aussi simple. Non, mais en tout cas, c'est moins compliqué que de lui chercher des poux dans la tête, là, sans raison. Moins compliqué, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voulez dire que ça pourrait ne pas vous faire du bien ? Peut-être, oui. On vient d'entendre un extrait de la série En Thérapie, donc adapté de la série In Treatment. Là, c'est la saison 1, l'épisode 21. C'est réalisé par Mathieu Vatuet. Ça a été diffusé, c'est disponible sur Arte. On entend avec cet extrait comment l'interruption, comment la ponctuation n'est pas seulement un geste, n'est pas seulement, on va dire, un silence, mais peut être aussi un mot. C'est par exemple l'exemple de la coupure en psychanalyse. Et c'est aussi l'exemple de l'écoute du psychanalyste qui peut à la fois interrompre son écoute ou au contraire la prolonger. Peter Zandi. Oui, ça c'est bon. Ceux qui ont l'expérience de la psychanalyse le savent. Enfin, le moment de la coupure, c'est vraiment un moment extrêmement important dans la séance analytique. Non seulement la coupure finale de la séance, qui peut avoir une durée variable dans la pratique lacanienne, c'est-à-dire le psychanalyste peut décider que la séance s'arrête très vite sur un mot important qui a été prononcé. Au bout de quelques minutes, la séance s'arrête et donc le patient reste avec ce mot qui résonne, qui travaille en quelque sorte du fait de la coupure. Lacan a théorisé cette durée variable de la séance qui est en fait essentiellement une question de ponctuation. Il le dit dans toutes sortes de textes, notamment un texte magnifique et classique désormais qui s'intitule « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » qui est recueilli dans ses écrits et où il a cette magnifique formule disant que dans le discours du patient, la ponctuation de l'analyste peut transformer une histoire en un apologue, une longue prosopopée, dit Lacan, en une interjection, ou au contraire un simple lapsus en une déclaration fort complexe, voire le soupir d'un silence pour tout un développement lyrique auquel il supplée. Donc c'est comme si, par la ponctuation de l'analyste, eh bien le discours devenait plastique, je dirais, avec des longueurs variables. Et ces moments de scansion, d'interruption, sont d'une puissance vraiment incroyable. Il y a au fond quelque chose, je crois, de performatif dans la ponctuation, dans la pratique analytique. C'est-à-dire le simple fait d'intervenir, d'interrompre, pas pour dire quelque chose, forcément. Il y a des analystes qui parlent, qui commentent, mais simplement le fait d'introduire une scansion, une pause, une marque qui va souligner ce qui vient d'être dit. Simplement ça crée quelque chose s'invente dans ce moment ponctuant. Et c'est vrai qu'on l'entend assez bien dans la série En Thérapie. Alors on pourrait aussi dire que la manière d'inventer par la ponctuation, c'est aussi une manière un petit peu d'imposer une forme de décision, c'est-à-dire que le psychanalyste impose que la séance s'arrête à tel moment. C'est différent d'une ponctuation, d'un smiley, d'un émoticône que je peux mettre dans un texto pour exprimer un de mes affects ou mettre un point d'exclamation ou trois comme n'arrive pas à le faire Péricladine. Là c'est vraiment quelque chose qui est imposé par quelqu'un. par quelqu'un d'autre. On pourrait aussi penser, d'une certaine manière, à ce qu'on dit maintenant avec l'écriture inclusive et le fameux point médian pour pouvoir à la fois masculiniser et féminiser un terme. On voit bien en fait qu'il y a à la fois la création par la ponctuation en fait d'un mot, un enrichissement d'un mot, et en même temps on voit bien aussi que c'est la marque d'une décision, d'une interruption en fait d'un mot tel qu'on le connaissait. Peter Zendi. Oui, ça c'est quelque chose de tout à fait passionnant, et je crois que aussi bien la ponctuation dans ces usages traditionnels, j'ai envie de dire pour marquer la fin d'une phrase, ou bien on vient d'en parler en psychanalyse pour ponctuer, je dirais, une unité de discours, ou mieux d'ailleurs plus précisément pour créer une unité de discours. C'est finalement toutes ces pratiques traditionnelles sont un hommage silencieux à la puissance de décision de la ponctuation. Lacan le dit très bien dans toutes sortes de textes. Il dit à un moment dans ses écrits, la ponctuation posée fixe le sens. Donc la ponctuer, c'est toujours arrêter un mouvement et fixer quelque chose. Et dans l'écriture inclusive, dans l'usage du point médian, ce que je trouve remarquable et passionnant, c'est que finalement là, l'usage contemporain de la ponctuation invente une manière d'utiliser les signes de ponctuation qui est une manière de différer en quelque sorte ou même de repousser à l'infini le moment de la décision. C'est-à-dire que c'est le contraire donc d'une décision politique pour vous. C'est-à-dire non, que là, d'accord. Au contraire, je pense que d'insister sur l'impossibilité de trancher, c'est un geste politique en soi. Mm-hmm. Donc c'est le fait de reporter à jamais la décision, c'est une revendication politique que je salue et que je salue à la fois comme une invention typographique, linguistique, comme une pratique langagière, et aussi parce que c'est quelque chose que j'admire. Mais c'est vrai que cet usage du point médian est frappant parce que d'un côté, la ponctuation là ne referme pas en fait une signification, ne referme pas une phrase ou n'arrête pas, ça n'est pas une décision qui interrompt le cours des choses, mais qui au contraire peut d'une certaine manière se dire que on ouvre une nouvelle manière non seulement de concevoir la langue, mais aussi de définir certains mots. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que ce point médian, ou alors d'autres stratégies, je dirais, typographiques, qui consistent à mettre entre parenthèses, par exemple, qui sont probablement plus problématiques et souvent critiquées pour cette raison, mettre entre parenthèses la marque du féminin, par exemple, un E entre parenthèses, qui permettrait de lire le mot et comme masculin et comme féminin, toutes ces stratégies, introduisent dans le mot, c'est-à-dire dans ce qu'on a tendance à penser comme une unité lexicale, quelque chose qui défait cette unité. Et donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles cette pratique choque beaucoup de personnes, ou enfin en scandalise même certaines. Mais si vous y pensez, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps dans la poésie. Je cite souvent le poète américain E. Cummings, mm-hmm. Qui est un poète que j'aime beaucoup. Ça fait belle lurette qu'il ponctue à l'intérieur des mots, qu'il a ponctué à l'intérieur des mots. Donc, je pense que quand même, on sent bien que là il y a une résistance, c'est-à-dire que l'unité du mot, au fond, elle a quelque chose de sacro-saint pour beaucoup d'usagers linguistiques. Mais ils pourraient aussi penser, ce que je sais moi, à l'apostrophe, à la coupure des mots en fin de ligne. Donc le fait qu'on coupe des mots pour réintroduire une division, finalement c'est pas si choquant que ça. Et quand c'est au profit d'une stratégie aussi profondément politique que celle de l'écriture inclusive, je crois qu'on devrait y réfléchir quand même à deux fois avant de s'en scandaliser. Et on pourrait aussi penser, Peter Zendi, au clignement des yeux. We're coming low out of the rising sun, and about a mile out we'll put on the music. You think? Yeah, I use Wagner. It scares the hell out of the slopes. My boys love it. Hey, we're gonna play music! Thank you. Ronsai wore off. Sing it loud. In the Romeo Foxtrot, shall we dance? If you have a thought in your head and now you are going to switch to another thought. Si on a une pensée dans la tête et puis on bascule vers une autre pensée, involontairement on va cligner des yeux. Parce que ça rapproche ces deux pensées, ou bien le clignement est un réflexe automatique d'un processus par lequel j'ai fini avec cette pensée, et en termes informatiques, je vais sauvegarder sur le disque dur pour pouvoir passer à la pensée suivante. Et dans un sens, le montage, c'est cligner des yeux pour le public. On leur montre une pensée. Et chaque plan est une pensée. Et au bon moment, on finit une pensée et on leur en donne une nouvelle. Quelle idée incroyable de Walter Munch. Donc, il est le monteur et le mixeur de Francis Ford Coppola et notamment sur ce film Apocalypse Now dont on a entendu un extrait juste avant. Cligner des yeux, c'est aussi ponctuer. Qui l'aurait cru ? Quand vous clignez des yeux, finalement, vous ponctuez, vous interrompez, vous articulez l'expérience qui est en train de se produire, Peter Zandi. Oui, Walter Murch est vraiment quelqu'un d'incroyable, puisqu'il a, à la fois ce métier, cet artisanat du montage et du mixage sonore, et en même temps, il écrit ce petit livre qui est traduit en français, un grand petit livre, j'ai envie de dire, traduit en français sous le titre « En un clin d'œil », et dans lequel il s'avère, il est un théoricien vraiment de la ponctuation dans un sens généralisé, c'est-à-dire dans un sens qui échappe à l'univers de la phrase, du langage écrit. Et il a cette définition que j'admire énormément, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Il dit à un moment dans son livre « Nous clignons des yeux pour séparer ». Et puis, il dit aussi que finalement, il est nécessaire de, je le cite à peu près, de donner un aspect discontinu à la réalité visuelle, sans quoi elle ressemblerait à un flux constant et incompréhensible de l'être, sans séparation de mots ni ponctuation. Donc, il le dit très clairement, en cligner des yeux, quand on regarde, c'est au fond phraser, j'ai envie de dire, phraser ce qu'on voit. Alors, c'est quelque chose... Bon, qui paraît à la fois évident et surprenant, qui est peut-être moins surprenant si on pense à ce qu'on fait tous quand on est dans un dialogue, dans une conversation avec quelqu'un, et vous pouvez observer votre interlocuteur, vous constaterez certainement que les clignements des yeux se font à des intervalles différents selon le degré d'approbation, de doute, selon le caractère, disons, dubitatif ou convaincu de l'écoute de votre interlocuteur. Votre interlocuteur clignera plus ou moins rapidement. Des fois, ça s'emballe. Des fois, il y a des gens qui, comme pour dire en vous écoutant, oui, voilà, ils n'arrêtent pas de cligner des yeux, ou au contraire, parce qu'ils sont choqués, donc il y a toute une gamme, je dirais, de fréquences de clignement des yeux qui est comme une gamme de comme une palette de signes de ponctuation. Et donc Walter Murch, il généralise en quelque sorte cette idée et il dit très clairement ponctuer le visible, le phraser en quelque sorte, faire sens, pas nécessairement pour dire qu'on le traduit en mots, mais tout simplement donner du sens à ce qu'on voit sans même le traduire, donner du sens à l'intérieur même du visible, c'est au fond y découper des unités qui sont autant de trajectoires du regard, qui sont autant, je reprends un peu cette image que j'introduisais tout à l'heure, qui sont autant de gestuels du regard. Finalement, on gesticule avec les yeux et c'est comme ça qu'on embrasse des pans entiers du réel dont on fait des sortes de phrases visuelles. Merci beaucoup Peter Zandi, j'étais ravie de cette discussion avec vous sur la ponctuation qui se finit ici. Je rappelle que votre livre sur la ponctuation s'intitule « À coup de poing, la ponctuation comme expérience ». On peut aussi lire de vous sur « Écoute esthétique de l'espionnage »,« Écoute une histoire de nos oreilles » et plus récemment pour « Une écologie des images ». Et tout cela, c'est disponible aux éditions de Minuit. Merci beaucoup. Merci à vous. About an Oxford comma, I seen those English dramas too.